إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc après une pause qui s'explique par le mois du Ramadan qu'Allah Azza wa Jalla accepte de nous tous, prière et jeûne, on reprend les cours, on continue les cours sur l'explication et la traduction du livre Taysir al-Allam, l'explication de Umdat al-Ahkam. Umdat al-Ahkam qui est un livre de l'imam al-Hafid Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah et l'explication Taysir al-Allam, faite par le Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah ta'ala. Dans les derniers cours, on avait traité les hadiths 31, 32, 33, 34 et 35. Et comme pour habitude, on demande aux frères présents de réciter les hadiths qui ont été expliqués. Y a-t-il des volontaires? Beaucoup n'étaient pas là dans le cours précédent. À Kolehel. On va passer pour aujourd'hui, étant donné que l'information de la reprise des cours n'a peut-être pas été, ou n'est pas parvenue à tout le monde. Donc on va continuer directement le nouveau chapitre, Biznillah. Yaqulu al-Imam al-Hafid Abdul Ghani al-Maqdisi, Babu al-Tayammum, le chapitre du Tayammum. يقول الشيخ البسام رحمه الله التيمم في اللغة القصد قال الله تعالى ولا آمين البيت الحرام ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد لأن الماسح قصد إلى الصعيد وقد عرفه بعض العلماء بقوله طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية التي يسر الله أمورها وسهل عليها شريعتها وجعل لها من الحرج فرجا ومن الضيق مخرجا وطهر باطنها وظاهرها ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc le chapitre du tayammum. Le tayammum, tout d'abord, sa définition linguistique, qui signifie al-qasd, c'est le fait de se diriger vers un endroit ou de vouloir aller vers un endroit ou de vouloir faire quelque chose. Al-qasd, c'est tous ses sens à la fois. Et la preuve de ce sens dans la langue arabe est bien sûr la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Ma'idah, Surat La Table Servie. Ya ayyuha alladhina amanu, la tuhillu sha'air Allah wala al-shahr al-haram wala al-hadiya wala al-qala'id wala amin al-bayt al-haram yabtaghuna fadla min Allah wa ridwana. Le verset 2 de Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah Azza wa Jal parle et dit selon le sens ni ceux qui se dirigent vers la mosquée sacrée. Donc Allah Azza wa Jal dans le début du verset nous interdit de profaner La tuhillu sha'air Allah, les rites d'Allah, les emblèmes d'Allah. La tuhillu sha'air Allah wa la shahr al-haram. Également, ne profanez pas les mois sacrés. Ici, Allah Azza wa Jal interdit de profaner les mois sacrés. Et entre autres, les choses qui étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam interdites pendant les mois sacrés, c'était... Qu'est-ce qui était interdit ? Non, le combat. Le combat et la guerre. Wala shahr al-haram, wala al-hadi, wala al-qala'id. Également, de ne pas porter atteinte à ceux qui voulaient offrir des choses à la Mecque, dans la terre sacrée. Il ne fallait pas s'y opposer. Il ne fallait pas rendre difficile le chemin de celui qui voulait offrir des animaux, des bestiaux à la Mecque. Wala al-qala'id, wala amin al-bayt al-haram. Également, ni ceux qui se dirigent vers la maison sacrée. Également, fait partie de la profanation des rites d'Allah et des emblèmes d'Allah, le fait de porter atteinte aux gens qui se dirigent vers la Mecque pour, soit pour y accomplir des transactions commerciales, car la Mecque était le point de rencontre de beaucoup de commerçants. Ou de porter atteinte à ceux qui se rendent à la Mecque, bien sûr, pour y accomplir la Umrah ou bien le Hajj. Ceci fait partie des grands péchés, de porter atteinte à des personnes qui se rendent à la Mecque. Et Allah Azza wa Jalla a dit ici, « Wala amin al-bayt al-haram »« Wala amin » c'est-à-dire qui se dirigent, qui ont l'intention ou qui font, qui mettent en œuvre les moyens nécessaires pour se rendre. Il est interdit de leur porter atteinte. Et ce sens a été utilisé, ou ce mot at-tayammum a été utilisé par la suite par les savants, par les juristes de façon plus précise, pour vouloir dire le fait d'essuyer le visage et les mains avec la terre, avec le sol ou une partie du sol. Car celui qui veut faire le tayammum va se diriger vers le sol, va se diriger en direction du sol pour pouvoir s'essuyer. Et les savants ont donné une définition de tayammum en disant que c'est une purification turabiyya, c'est-à-dire en rapport avec la terre, qui concerne l'essuyage, ou qui consiste à essuyer le visage et les mains lorsque l'eau n'est pas présente ou lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser celle-ci. Donc c'est une définition très précise, c'est une purification. Donc c'est un moyen qui te permet de devenir pur. C'est une purification qui utilise la terre, ce qu'il y a à la surface de la terre. Et cette purification consiste à essuyer le visage et les mains, et les conditions d'utilisation du tayammum sont le fait que l'eau est inexistante, ou bien le cas où l'eau est présente, elle est devant toi, mais tu n'as pas la possibilité de l'utiliser. C'est la définition du tayammum. Et le tayammum fait partie des spécificités de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Une communauté qu'Allah Azza wa Jal a facilité beaucoup de choses et a rendu la religion simple et aisée. Et Allah Azza wa Jal a accordé à chaque contrainte qui est présente dans la vie de chacun sans qu'il ne trouve dans la religion une sortie ou un moyen de contourner cette contrainte. Et également, toute chose dans la vie qui est considérée comme une difficulté ou une chose qui est plus ou moins difficile, eh bien, tu trouveras en islam un moyen de te faciliter cette chose. Et Allah Azza wa Jal à purifier l'intérieur et l'extérieur de cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et ceci par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il a purifié l'intérieur en mettant en garde contre le polythéisme et contre toutes sortes de désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les musulmans sont véritablement des personnes saines de corps et d'esprit. Leur esprit est sain, car il n'est pas taché par les désobéissances, il n'est pas taché par le polythéisme, mais ils sont aussi saints de corps, à savoir que l'hygiène est une chose extrêmement importante en islam, et elle fait partie de la foi. Puis il dit, rahimahullah, فَإِنَّ مَنْ عُدِمَ الْمَاءَ الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَصْلَيِ الْحَيَاةِ تُعُوِّضَ عَنْهُ بِالْأَصْلِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ التُّرَابِ لِأَلَّا يَفْقِدَ الطَّهَارَةَ إِطْلَاقًا فَإِنَّ طَهَارَةَ الْمَاءِ فإن طهارة الماء تطهر الظاهر والباطن فإذا عدمت هذه الأداة الكاملة رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة التراب لتحصل الطهارة الباطنة فلا شك في حكمته ولا ريب في فائدته لمن رزق السعادة في الفهم وهو ثابت في الكتاب والسنة فهو ثابت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع الأمة المحمدية المهدية ويقتضيه القياس الصحيح. Donc, lorsque l'eau est inexistante, l'eau qui fait partie des choses essentielles de la vie, l'eau qui fait partie des choses essentielles de la vie, c'est cela qu'Allah Azza wa Jalla dit, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Donc, l'eau fait partie des nécessités et des choses indispensables à la vie. Lorsque l'eau est inexistante, alors on se dirige, ou cela est changé, ou est compensé, par la deuxième base qui est la base qui est la terre. Et les savants ont dit que lorsque le musulman n'a pas la possibilité d'utiliser l'eau qui est une des bases de la vie, alors il utilise la terre de laquelle il a été créé. وَخُلِقَ آدَمْ مِنْ تُرَابٍ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابٍ. Le professeur Hassan a dit que Adam est créé de terre et Allah pardonne à celui qui se repent. Et ceci pour ne jamais être séparé de la purification. L'eau purifie l'intérieur et l'extérieur, et s'il n'y a pas la possibilité de laver et de purifier l'extérieur, alors au moins de purifier l'intérieur à travers le tayammum. Car le tayammum, est-ce qu'il te rend pur dans le sens où ton corps devient pur, ou est-ce que c'est un moyen qui permet de te rendre pur, à savoir pour que ta conscience soit tranquille et pour que psychologiquement tu puisses accomplir ou adorer Allah Azza wa Jalla sans gêne? Il n'y a aucun doute que la terre ne nettoie pas comme l'eau. Celui qui fait ses ablutions en lavant trois fois ses mains, sa bouche, son visage, son nez, etc., n'est pas comme celui qui a posé sa main par terre, essuie son visage et ses mains. Donc, si cette purification extérieure n'est pas possible, au moins de faire cette purification intérieure. Il n'y a donc aucun doute sur la sagesse de At-Tayammum. Il n'y a aussi aucun doute sur le bénéfice de faire At-Tayammum pour celui à qui Allah Azza wa Jalla a accordé une compréhension saine de la religion. D'autant plus que At-Tayammum est une chose qui existe dans le livre d'Allah, qui existe dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également à tayammum fait l'objet de l'unanimité des savants quant à son caractère légiféré, et également il est soutenu par al-qiyas al-sahih, qui est l'analogie véridique. Fama dhakara al-imam al-maqdisi rahimahullah الحديث السادس والثلاثين عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك رواه البخاري. Puis l'imam al-Hafidh al-Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah cite le 36e hadith, qui est le hadith de Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui s'était mis ou qui s'était écarté et qui n'a pas prié avec le groupe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Oh un tel, qu'est-ce qui t'a empêché de prier avec le groupe ?» Il a dit, « Oh envoyé d'Allah, j'ai été en état de grande impureté, et il n'y a pas d'eau. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Utilise as-sa'id, car il te suffira. » Utilise as-sa'id, car il te suffira, et on verra par la suite la définition de Sa'id. Gharib al-Hadith, les termes qui méritent éclaircissement dans le Hadith. Awalan mu'tazilan, ay munfaridan an al-qawm, mutanahiyan anhum, wa huwa Khalad ibn Rafi' radiyallahu anhu, wa kana mimman shahida badra. Premièrement, le terme mu'tazil, dans le hadith, l'homme, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu un homme qui s'était mis à l'écart, c'est-à-dire qui s'est écarté du groupe, qui s'est mis sur le côté, et cet homme était Khalad ibn Rafi', qu'Allah azza wa jalla l'agréé, qui faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont assisté à la bataille de Badr. Thaniyan as-sa'id, هو وجه الأرض وما على منها. Et as-sa'id, c'est la surface de la terre et ce qui est élevé au-dessus d'elle. Donc as-sa'id, c'est tout ce qui est contenu à la surface de la terre, faisant partie de celle-ci. Faisant partie de celle-ci, car sur terre il y a beaucoup de choses à la surface de la terre. Il y a des voitures par exemple. Est-ce que le fait d'essuyer sur une voiture est considéré comme as-sa'id? Non. Donc c'est ce qu'il y a à la surface de la terre faisant partie de celle-ci. Et également, tout ce qui est au-dessus de la terre, c'est-à-dire qui est élevé sur la terre, comme par exemple les pierres, les rochers ou même les murs ou même la végétation, Allah alam. Mais les montagnes, il est autorisé de faire un tayammum en posant sa main sur une montagne car elle fait partie de la terre, même si elle fait partie de la terre, même si elle est élevée. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. Salla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bis-sahabati salat as-subh. فلما فرغ من صلاته رأى رجلا لم يصلي معهم فكان من كمال لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن دعوته إلى الله أنه لم يعنفه على تخلفه عن الجماعة حتى يعلم السبب في ذلك فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم فشرح عذره في ظنه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أصابته جنابة ولا ماء عنده فأخر الصلاة حتى يجد الماء ويتطهر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد جعل لك من لطفه ما يقوم مقام الماء في التطهر وهو الصعيد فعليك به فإنه يكفيك عن الماء. Donc le sens général du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié en compagnie de ses compagnons radiallahu anhum la prière de Subh. Puis, lorsqu'il a terminé sa prière, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme qui n'avait pas prié avec eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa gentillesse et sa douceur, et de par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui a le mieux appelé à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas réprimandé. Il ne lui a pas fait de reproche. Il n'a pas été dur avec lui en lui disant qu'il n'avait pas participé à la prière en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela jusqu'à connaître la cause de cet éloignement et de cet écart ou de cet écartement de cet homme. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a d'abord demandé: « Oh, un tel, qu'est-ce qui t'a empêché de prier avec le groupe ?» Et cet homme, qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu, a expliqué son excuse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une excuse que lui considérait comme étant une excuse, en disant qu'il s'est retrouvé en état de grande impureté et qu'il n'avait pas d'eau chez lui. Il a alors décidé de retarder la prière jusqu'à trouver de l'eau et ainsi se purifier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'Allah Azza wa Jal a donné comme dérogation, et ceci fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, a donné une dérogation et a donné al-badil, à savoir un moyen de remplacement de l'eau lorsque la personne veut se purifier, et ce moyen de remplacement est bien sûr as-sa'id, la terre et la surface de la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné d'utiliser cette terre, car elle lui suffira. Elle lui suffira, c'est-à-dire qu'en utilisant cette terre, il sera considéré comme étant pur et il pourra ainsi accomplir sa prière. ما يؤخذ من الحديث سكنه غوتشان دو حديث. أولا التيمم ينوب مناب الغسل في التطهر من الجنابة. Premièrement, le tayammum prend la place du ghusl, c'est-à-dire du lavage, concernant la purification de al-janaba, de l'état de grande impureté. Donc lorsqu'il n'y a pas d'eau et que tu es en état de grande impureté, il t'est autorisé d'utiliser le tayammum. Et beaucoup de gens pensent que un tayammum remplace uniquement, ou peut être utilisé uniquement lorsque tu as perdu tes petites ablutions. Mais que pour les grandes ablutions, il faut obligatoirement se laver. Cela, il faut. S'il n'y a pas d'eau, ou s'il y a de l'eau que tu ne peux pas utiliser, eh bien, que tu sois en état de petite impureté ou de grande impureté, il t'est autorisé d'avoir recours au tayammum. Thaniyan, inna tayammum la yakunu illa li'adim al-ma' aw al-mutadarrir bi-isti'malihi. Wa qad basata ar-rajulu 'udrahu wa huwa 'adam al-ma' fa aqarrahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'ala dhalik. Deuxièmement, le tayammum ne peut être utilisé que dans deux cas, comme on l'a vu, le premier lorsqu'il n'y a pas d'eau, et le second lorsque le fait d'utiliser l'eau est préjudiciable pour la personne, pour celui qui est malade et qui ne peut pas avoir de contact avec l'eau. Il a des problèmes de peau, il ne peut pas mouiller sa peau. Lui, il lui est autorisé d'utiliser at-tayammum. Ou bien d'utiliser l'eau, lorsqu'il y a un froid glacial, par exemple, lorsque tu es en voyage ou que tu es en camping, que tu es à l'extérieur et qu'il fait extrêmement froid dehors, et que tu te lèves le matin et tu te retrouves en état de grande impureté, est-ce que tu dois obligatoirement te laver ou est-ce que tu as le droit de recourir au tayammum? La réponse est, tu as le droit de recourir au tayammum, car le fait d'utiliser, de te laver à l'extérieur dans un froid glacial, te sera préjudiciable. Donc, et recours au tayammum. Et ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué son excuse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son excuse c'était, il n'y a pas à trouver d'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il accepté son excuse ou l'a-t-il refusé? Il a accepté. Et comment on sait qu'il a accepté? Parce qu'il lui a dit d'utiliser As-Sa'id. Il lui a dit de faire le tayammum. Autrement dit, cela signifie que le prophète sallam a considéré le fait que celui qui ne trouve pas d'eau, que cela est une excuse valable pour pouvoir utiliser et faire le tayammum. C'est un tomba. Thalithan, la yambari liman ra'a مقصر في عمل أن يبادره بالتعنيف أو اللوم حتى يستوضح عن السبب في ذلك فلعله له عذرا وأنت تلوم. Troisièmement, qu'il n'est pas bon lorsque l'on voit une personne faire une erreur ou lorsqu'une personne commet un manquement, de se précipiter à lui faire des reproches, à le critiquer, jusqu'à avoir demandé des explications sur ce manquement. Car il a peut-être une excuse, et toi, tu lui auras fait le reproche. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu cet homme, ou ce compagnon, radiallahu anhu, Khalal ibn Rafi', lorsqu'il a vu ne pas avoir assisté à la prière de l'jama'a, et la prière en groupe, comme vous le savez, est une obligation pour les hommes. Et l'obligation est encore plus prononcée lorsque cet homme est à l'intérieur de la mosquée. Et si cela était arrivé à notre époque, ni les gens vont voir la première chose, est-ce que c'est une personne qui a toute sa tête ou pas. Mais si les personnes voient qu'un homme s'assied sur le coin de la mosquée, que l'imam a prié, que tout le monde se sort de la mosquée, et qu'il voit un homme qui n'a pas de problème mental, qui a toute sa tête, qui n'a pas prié, il va y avoir une avalanche de reproches et une avalanche de critiques. Or, le professeur a d'abord demandé. Et c'est ainsi qu'il faut agir, demander aux gens, car tu ne connais pas les gens. Tu ne sais pas la situation d'un tel et d'un tel. Chacun a ses particularités, chacun a ses problèmes personnels. De ce fait, tu dois demander la cause de celui qui a commis un manquement avant de condamner ce manquement. Rabi'an. جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلي حتى يجد الماء وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم خاصة بالحدث الأصغر. Quatrièmement, qu'il est autorisé de faire des efforts dans les sujets de la science en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce compagnon radiallahu anhu a pensé ou pensait que celui qui est en état de grande impureté, qu'il ne doit pas prier jusqu'à avoir trouvé de l'eau, et il pensait que le verset du tayammum, le tayammamu sa'idan tayyiba, verset Allah azza wa jalla dit ou légifère l'utilisation, de tayammum, il pensait que cela était propre à l'état d'impureté mineure. Il ne pensait pas qu'il était autorisé, même à celui qui était en état d'impureté majeure, d'utiliser le tayammum. Il a alors fait un effort de sa part, cet effort est autorisé, car il était en présence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'on verra également dans le hadith suivant ou les hadiths suivants que l'effort est autorisé également pour qui? Pour les savants. Hassant. Pour les gens de science, eux aussi leur est autorisé de faire des efforts dans les sujets de la science. Car ce sont eux qui connaissent le livre d'Allah, ils en connaissent les sens, ils en connaissent les jugements abrogés et les jugements abrogeants, ils en connaissent les jugements généraux et les jugements spécifiques. À Kulihal, qui de mieux qu'un savant peut faire des efforts dans la compréhension ou dans les sujets de science? Et l'autre cas où il est autorisé de faire l'ijtihad, de faire des efforts dans des sujets de science, c'est en cas de force majeure. En cas de force majeure, tu n'as pas le choix que de te faire ton opinion. D'accord? Si tu es en voyage, tu voyages seul, tu te retrouves dans une campagne, et tu ne sais pas où est la Qibla. Et l'heure de la prière, elle commence à passer, et elle commence à, la fin de la prière commence à s'approcher. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis non, je ne prie pas, je ne sais pas où est la Qibla, ou est-ce que tu dis, je suis obligé de prier vers une direction, je vais essayer de faire un effort, mais en tous les cas, je sais que la direction que j'aurais choisie, je ne serai pas sûr à 100% que ce soit la Qibla. Dans ce cas, on te dit, tu es obligé de prendre une direction, regarde le ciel, regarde ou utilise les moyens qui te permettent de trouver approximativement la direction de la Qibla et prie dans la direction qui t'aura semblé la plus proche de la vérité, et ta prière est acceptée même si au final tu avais prié à l'opposé de la Qibla. Donc ce sont les deux cas dans lesquels ou dans lesquels l'ijtihad, c'est-à-dire le fait de faire un effort dans la religion, est autorisé. الحديث السابع والثلاثون الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه رواه البخاري ومسلم. سلام. Le 37e hadith. Selon Ammar ibn Yasir radiallahu anhuma, qu'Allah les agréait tous deux, à savoir Ammar et son père Yasir radiallahu anhuma. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé en mission, fi haja, pour une affaire, et durant ce voyage, eh bien, je me suis retrouvé en état d'impureté majeure. Et je n'ai pas trouvé d'eau. Il a fait des roulades en étant allongé sur la surface de la terre comme fait des roulades un animal. Puis, je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai décrit cela, ou je lui ai parlé de cela. Il a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te suffisait de faire ainsi avec tes mains. Il te suffisait de faire ainsi avec tes mains, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frappé de ses deux mains le sol une seule fois, puis il a essuyé la gauche sur la main gauche sur la main droite. il a essuyé la main gauche sur la main droite, c'est-à-dire l'intérieur des mains. Puis il a essuyé le dessus des mains, wa wajha, puis son visage, wa wajha et son visage. Et là, c'est important de bien dire et non pas puis, car dans le hadith, famasa thumma masaha al-shimal al-yamin wa zahira kaffayhi wa wajha. Car il y a d'autres versions de Bukhari et Muslim qui cite clairement Thumma, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait d'abord commencé par essuyer son visage, ensuite les mains. Et dans cette version, il a essuyé ses mains et son visage. Et le fait de dire « et » ne signifie pas forcément que il y a un ordre. D'accord ? L'ordre est cité dans d'autres hadiths où le terme « Thumma » a été clairement cité par le rapporteur, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, dans ces hadiths-là, commencé à essuyer d'abord son visage, ensuite ses mains. Tu fais comme ça. Tu essuies tes mains à l'intérieur. Non. D'abord l'intérieur, ensuite l'extérieur. D'abord le visage. Ensuite les mains, l'intérieur, la paume et le dessus des mains. Non. غريب الحديث فتمررت في الصعيد تقلب في الأرض حتى عم بدنه التراب. Donc les termes qui méritent explication. فتمررت في الصعيد, j'ai fait des roulades sur la surface de la terre, c'est-à-dire qu'il s'est retourné, qu'il faisait des roulades jusqu'à recouvrir son corps de terre, jusqu'à recouvrir son corps de terre. ثانياً أن تقول بيديك يراد بالقول الفعل وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب. Deuxièmement, le professeur Sam lui a dit, il te suffit de dire avec tes mains. Si on traduit littéralement, on aurait traduit, il t'aurait suffi de dire avec tes mains ainsi. Mais les mains ne parlent pas. Et le terme dire en arabe est souvent utilisé, que ce soit dans les textes religieux ou dans la langue arabe, pour vouloir dire faire. Pour vouloir dire faire. Et ce hadith en est un exemple illustrant. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر في سفر لبعض حاجاته فأصابته جنابة فلم يجد الماء ليغتسل منه وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر فاجتهد وظن أن كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر فلا بد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالصعيد قياسا على الماء فتقلب في الصعيد حتى عمه التراب وصلى فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله شيء لأنه عن اجتهاد منه ذكر له ذلك ليرى هل هو على صواب أو لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم تمسح شمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ammar ibn Yasir en voyage afin d'accomplir quelques affaires. Et durant ce voyage, Ammar ibn Yasir a été pris d'une grande impureté, ou s'est retrouvé en grande impureté majeure, ou en impureté majeure, en état d'impureté majeure, et il n'a pas trouvé d'eau pour se laver. Et il ne connaissait pas le jugement du tayammum concernant celui qui est en état de grande impureté. Il le connaissait, c'est-à-dire ce jugement, uniquement pour l'état d'impureté mineure. Il a alors fait un effort, et il ou sa, son raisonnement était de dire que pour l'état d'impureté mineure, eh bien, le tayammum consiste à essuyer une partie des membres, c'est-à-dire le visage et les mains. Et il s'est dit que cela est le tayammum pour le petit état d'impureté. Pour le grand, eh bien, il signifie de toucher avec le sol l'ensemble du corps. Car lorsque l'on s'en lave, lorsque l'on se lave du grand état d'impureté avec de l'eau, l'eau doit atteindre l'ensemble du corps. Et il a ainsi fait ce raisonnement, et c'est ce qui l'a amené à faire des roulades sur le sol afin que l'ensemble de son corps soit recouvert de terre. Et il a prié dans cet état. Puis, lorsqu'il est revenu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un doute sur l'acte ou sur ce qu'il avait fait. Car il savait pertinemment que c'était le fruit de son effort. Il a alors décrit et raconté ce qui lui était arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de savoir si cela était bon ou non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il te suffisait plutôt que de recouvrir l'ensemble de ton corps de terre, de frapper avec tes mains le sol une seule fois, puis d'essuyer ta main gauche avec ta main droite et le dessus de tes mains, et d'essuyer également ton visage. اختلاف العلماء لا ديفيرجونس دي سافون. اختلف العلماء هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لابد من ضربتين، وهل لابد من المسح على اليدين إلى المرفقين؟ فذهب بعضهم ومنهم الشافعي إلى أنه لابد من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين، محتجين بأحاديث منها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. Donc les savants ont divergé concernant at-tayammum sur certains sujets de celui-ci. À savoir, est-ce que il suffit de frapper le sol avec ses mains une seule fois pour le visage et les mains, ou bien faut-il poser ses mains à deux reprises, l'une pour le visage et l'une pour essuyer ses mains? Et lorsque l'on essuie ses mains, doit-on les essuyer jusqu'au poignet ou doit-on les essuyer jusqu'au coude? Certains savants, parmi eux les mêmes Shafi'i, sont de l'avis qu'il faut poser ses mains à deux reprises sur le sol, l'une fois pour essuyer le visage et l'autre fois pour essuyer les deux mains jusqu'au coude. Et il utilise pour cela un hadith rapporté par Ad-Darqutni, selon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, dans lequel le professeur Hassan a dit: le tayammum est constitué de darbatan, c'est-à-dire que l'on doit poser ses mains sur le sol à deux reprises, l'une pour le visage et l'autre pour les mains jusqu'au coude. Et ce hadith a été rendu faible par beaucoup de savants contemporains et bien sûr des savants anciens. Et parmi les contemporains, Afwan, Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui a cité ce hadith notamment dans son livre As-Silsilatu Al-Da'ifa, la chaîne de hadith faible, et il a cité ce hadith sous le numéro 3426. وذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وأهل الحديث إلى أن التيمم ضربة واحدة، وأنه لا يمسح إلا الوجه والكفان، مستدلين بأحاديث صحيحة منها حديث عمر هذا قال ابن حجر كان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي للحديث أعرف بمراده وأجاب عن أحاديث الضربتين والمرفقين بما فيها من المقال المشهور ولن نجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث الصحاح الواضحة قال ابن عبد البار أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وما روي عن من ضربتين فكلها مضطربة وقال ابن دقيق العيد ورد في حديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله وقال الخطابي ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين وهذا المذهب أصح في الرواية Et l'avis de la plupart des savants, parmi eux l'imam Ahmad, Al-Awza'i, Ishaq et les gens du hadith, tous considèrent que le tayammum est constitué d'une seule frappe sur la surface de la terre et que l'on ne doit essuyer que le visage et les mains en utilisant pour preuve, bien sûr, des hadiths authentiques. Parmi ces hadiths, le hadith de Ammar, précédemment cité. Et Al-Hafid ibn Hajar a dit, rahimahullah, que Ammar, radiyallahu anhu, ainsi était sa fatwa après l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Or, c'est lui le rapporteur du hadith. Et il a rapporté, où il faisait la fatwa, qu'il fallait uniquement frapper une seule fois les mains au sol et d'essuyer le visage et les mains uniquement. Et ces savants ont répondu au premier hadith que l'on a cité qu'il est faible et que sa faiblesse a été démontrée par beaucoup de savants. Et on ne peut pas mettre ce hadith au même ou sur le même piédestal que les hadiths authentiques sur At-Tayammum dont beaucoup sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Et Al-Imam ibn Daqiq Al-Eid a dit que il est rapporté dans un hadith que le tayammum est constitué de deux frappes, l'une pour le visage, l'autre pour les mains, sauf que ce hadith ne fait pas le poids en termes d'authenticité avec les autres hadiths qui, eux, ne parlent que d'une seule et unique frappe. Et l'imam al-Khattabi a dit que certains savants ou certains groupes parmi les savants considèrent que le tayammum n'est constitué que d'une seule frappe et une seule frappe qui suffit pour essuyer le visage et les mains et c'est l'avis le plus sûr et d'avoir cet avis est celui qui est justifié par les preuves les plus authentiques ما يؤخذ من الحديث أولا التيمم للغسل من الجنابة. Premièrement, on retient du hadith qu'il est autorisé de faire le tayammum en guise de remplacement du lavage ou de la purification de l'état de grande impureté. Donc cela est un point important. ثانيا إنه لابد من طلب الماء قبل التيمم. Deuxièmement, qu'il est obligatoire de demander et de rechercher l'eau avant d'avoir recours au tayammum. Donc il ne suffit pas de dire il n'y a pas d'eau, donc j'ai fait le tayammum. Il n'y a pas d'eau, d'accord, mais cherche, demande. Et si, après avoir demandé, et si après avoir cherché, il n'y a toujours pas d'eau, alors dans ce cas, il recourt au tayammum. Et quelle est la preuve qu'il faut rechercher? Naam, le verset Ahsan, mais dans le hadith. C'est la parole de Ammar, Falam, Ajidilma, je n'ai pas trouvé d'eau. Et celui qui n'a pas trouvé signifie qu'il a cherché. ثالثا صفة التيمم وهو ضرب وهو ضرب الأرض مرة واحدة ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين وتعميمها بالمسح. قال ابن رشد: إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد. Troisièmement, Cheikh Al-Bassam dit, l'on retient du hadith la description du tayammum, qui consiste à faire une frappe, à frapper le sol avec ses mains, une seule fois, puis d'essuyer le visage et les mains. Et le Cheikh ici dit, et les mains jusqu'au coude. Et on comprend que c'est l'avis de Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, que les mains doivent être essuyées jusqu'au coude, mais on a vu que la plupart des savants considèrent que c'est jusqu'au poignet uniquement. Et que le hadith qui parle des coudes est un hadith faible, dont la faiblesse est connue des savants du hadith en général. Et d'essuyer entièrement celle-ci, c'est-à-dire d'englober l'essuyage des mains. Et en ce qu'on dit englober, c'est-à-dire qu'il faut essuyer à la fois la paume et le dessus. Il faut essuyer le dessus et la paume des mains, de même que le visage, il faut essuyer l'ensemble du visage et non une partie. Et non une partie. Puis, il cite la parole de l'imam ibn Rushd en disant, qui dit, rahimahullah, que إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد. Le terme yed en arabe peut avoir plusieurs significations, mais celle qui apparaît la plus proche, celle qui est la plus souvent utilisée, ou celle qui apparaît au premier abord à l'esprit, c'est lorsque l'on utilise le terme yed en arabe, cela signifie la main jusqu'au poignet. La main jusqu'au poignet. Allah Azza wa Jalla dit, As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains. Qu'est-ce que le mot yed signifie ici? Le poignet. Et les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus confirmer cela. Et les savants ont même dit, la preuve également, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il a fait la description des ablutions. Ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila salah, ou vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour prier, farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Alors, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Si le terme yad signifiait les mains jusqu'au coude, Allah Azza wa Jal aurait-il ajouté ce détail? Non. S'il a dit les mains jusqu'au coude, cela veut dire que le mot yad est connu pour ne vouloir dire que les mains jusqu'au poignet. Mais comme Allah Azza wa Jal veut de nous que nous lavions les mains jusqu'au coude, il a précisé cette limite, à savoir les coudes. Donc cela vient appuyer, est un argument supplémentaire pour avoir la quasi-certitude que l'avis qui dit que lorsque tu essuies tes mains pendant le tayammum, que tes mains tu dois les essuyer jusqu'au poignet. Rabi'an, ذكر الصنعاني أن العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد العطف المطلق وجاء بالفاء ثم وتفيدان الترتيب والترتيب زيادة والزيادة من العدم مقبولة فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا. الإمام الصنعاني رحمه الله a cité que les différentes versions du hadith, certaines citent waw lorsque il cite le visage et les mains, waw, wa al-yadayn wal-wajh, et d'autres hadiths utilise le terme thumma et le mot et la lettre fa qui ont pour signification ou qui nous donnent comme signification l'ordre. Et l'ensemble des hadiths prouve qu'il y a un ordre à respecter dans le tayammum. Et cet ordre, c'est comme nous l'avons vu, de commencer par le visage, puis par les mains. Et les savants ont dit qu'il y a deux sagesses à cela. La première, c'est que le visage est ce qu'il y a de plus honorifique chez l'être humain. C'est ce qu'il y a de plus honorifique dans le corps humain, c'est le visage. Et également le fait de commencer par le visage, puis les mains, eh bien, est en concordance avec les ablutions. Alors, je vous dis, farsilu, wujuhakum wa aydiyakum min al-marafiq. Lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Donc, de commencer par le visage et ce qui doit être fait pendant les ablutions et le fait de le faire pendant le tayammum, eh bien, il y a une certaine concordance entre ces deux types de purification. Et ajouter à cela le fait qu'il n'a pas été rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par sa parole ni par ses actes, qu'il a précédé les mains au visage. Aucun hadith ne prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de précéder les mains avant le visage ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait le tayammum en précédant les mains au visage. Bien au contraire, tous les hadiths vont dans le sens que c'est le visage qui doit être essuyé en premier et les mains par la suite. Khamisan. إن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر في الصفة والأحكام. Cinquièmement, l'on retient du hadith que le tayammum, le fait d'avoir recours au tayammum pour enlever un état de grande impureté est exactement le même, c'est-à-dire l'utilisation du tayammum, que pour enlever un état de petite impureté. Donc, autrement dit, tu dois faire ainsi le tayammum, tu frappes une fois tes mains sur le sol, puis tu essuies ton visage, puis tu essuies tes mains, l'intérieur et l'extérieur. Ceci, que tu sois en état de petite impureté ou en état de grande impureté, la méthode est la même. Et la description est la même. Il n'y a pas de choses à faire en plus lorsque tu veux utiliser le tayammum pour ôter un état de grande impureté. Sadisan, al-ijtihad fi masail al-ibadat. Sixièmement, le fait qu'il est autorisé de faire un effort dans les adorations. Et l'on a vu que cet effort est restreint à deux choses, la première, ou à trois choses, la première, aux savants, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant, en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la troisième, en cas de force majeure. Sabi'an, inna al-mujtahida idha addahu ijtihaduhu ila ghayri as-sawab wa fa'ala al-ibadah. ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة. Septièmement, celui qui a fait un effort, puis l'effort qu'il a fourni l'a amené à faire une erreur, à ne pas faire les choses ou la chose comme il aurait dû la faire. Et il a fait cette adoration. Puis, par la suite, il lui apparaît que ce qu'il a fait n'est pas bon. Alors, il n'a pas à recommencer cette adoration. Pour reprendre l'exemple de celui qui se retrouve en voyage dans le fin fond d'une campagne et qui a pris en direction de dans, il a pris en direction de ce qu'il pensait être la Qibla, puis une fois être rentré, il s'est rendu compte qu'effectivement ce n'était pas la bonne direction. Est-ce qu'il doit refaire sa prière? Non. Comme c'est l'entendre. Il n'a pas à refaire sa prière. Et la preuve est que Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, est-ce que le fait de faire des roulades sur le sol était ce qu'il fallait faire? Non. Pourtant, il a prié dans cet état. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Ammar radiallahu anhu, a expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit de refaire sa prière. Il lui a seulement expliqué ce qu'il aurait dû, ce qu'il aurait dû faire. Et le fait que le professeur Asselem ne lui ait rien dit est considéré comme une approbation. Comme une approbation et comme une attestation que sa prière dans cet état était valide. Car il y a une règle en islam qui est que de retarder une explication au moment où celle-ci s'avère nécessaire est interdit. Ça veut dire que si la prière de Ammar n'était pas acceptée et qu'il aurait dû faire sa prière ou refaire sa prière, est-ce que le professeur Assalam aurait manqué de lui dire? Non. Si le professeur Assalam ne lui a pas dit, c'est qu'il a considéré que sa prière était valide. C'est clair? طيب الحديث الثامن والثلاثون لو 38 حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة رواه البخاري ومسلم. Le 38e حديث selon جابر بن عبد الله رضي الله عنهما il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été donné 5 choses qui n'ont été données à aucun prophète avant moi. J'ai été, ou on m'a donné la victoire par la peur, même à une distance d'un mois. Et la terre m'a été accordée comme un lieu de prière et un moyen de purification. Tout homme de ma communauté qui voit l'heure de la prière entrer, qu'il prie. Autrement dit, qu'il prie où qu'il soit. Et le butin m'a été rendu licite. Et il n'a été rendu licite à personne avant moi. Et il m'a été accordé l'intercession. Et la cinquième chose, et le prophète était envoyé à son peuple exclusivement. Quant à moi, j'ai été envoyé à l'ensemble des êtres humains. J'ai été envoyé à l'ensemble des gens. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Gharib al-Hadith. Les termes qui méritent explication. Lam tahilla yajuzu dammu ta'i wa fathu al-ha. على البناء للمفعول ويجوز فتح التاء وكسر الحاء على البناء للفاعل وهو أكثر قاله الشيخ نور الدين الهاشمي. Donc ici le cheikh fait une remarque linguistique, à savoir que la parole du professeur sallam lam tahilla concernant al-ghanima wa uhillat li al-ghanaim wa lam tahilla li ahad qabli, où il est autorisé de dire wa lam tahulla wa lam tuhal wa lam tuhal li ahadin ba'di. Donc il est autorisé de dire lam tahil ou lam tuhal. Al-ma'na al-ijmali. خص نبينا صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء بخصال شرف. وميزة بمحامد لم تكن لمن قبله من الأنبياء عليهم السلام، فنال هذه الأمة المحمدية ببركة هذا النبي الكريم الميمون شيء من هذه الفضائل والمكارم. فمن ذلك ما ثبت في هذا الحديث من هذه الخصال الخمس الكريمة اللائي أولاهن أن الله سبحانه وتعالى نصره وأيده على أعدائه بالرعب الذي يحل بأعدائه فيوهن قواهم ويضعضع كيانهم ويفرق صفوفهم ويقل جمعهم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم على مسيرة الشهر منهم تأييدا من الله ونصرا لنبيه وخذلانا وهزيمة لأعداء دينه، ولا شك أن هذا إعانة كبيرة من الله تعالى. Le sens général du hadith. Le prophète صلى الله عليه وسلم a des spécificités qui sont propres à lui que n'ont pas eu les autres prophètes avant lui, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et ceci, en guise d'honneur au prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et cette communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, bénéficie et jouit des faveurs de ces spécificités dont fait l'objet le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et parmi ces choses, les cinq citées dans ce hadith, dont la première est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a soutenu contre ses ennemis en les déstabilisant. En déstabilisant l'ennemi et en affaiblissant leurs forces, en les divisant et en diminuant leur motivation, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à une distance qui était parcourue pendant un mois de ses ennemis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autres peuples ou ses ennemis avaient peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient peur d'engager un combat contre lui, et ceci les refroidissait et était considéré comme une victoire du prophète sallam sans combat. Et ceci est sans aucun doute un moyen de victoire qu'Allah azzawajal a accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est également une sorte d'avilissement et de rabaissement vis-à-vis des ennemis de la religion musulmane. Et il n'y a aucun doute que cela est une aide considérable d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la première des spécificités. Et est-ce que la communauté de Muhammad en a profité? Oui ou non? Bien sûr. Si tu combats tes ennemis parce qu'ils ont peur de toi, cela t'exempte de combattre. Donc tu profites. Entre ne pas faire la guerre et faire la guerre, il n'y a aucun doute que quelqu'un qui t'évite une guerre t'a accordé un bienfait et t'a donné une grande faveur. Saniha an Allah subhanahu wa ta'ala wassa'a ala hada an-nabi al-karim wa ummatahu al-marhumah بأن جعل لهم الأرض مسجدا فأينما تدركهم الصلاة فليصلوا فلا تتقيد بأمكنة مخصوصة كما كان من قبلهم لا يؤدون عباداتهم إلا في الكنائس أو البيع وهكذا فإن الله رفع الحرج والضيق عن هذه الأمة فضلا منه وإحسانا وكراما وامتنانا وكذلك كان من قبل وكذلك كان من قبل هذه الأمة لا يطهرهم إلا الماء وهذه الأمة جعل التراب لمن لم يجد الماء طهورا ومثله العاجز عن استعماله لضرره. Deuxièmement, la deuxième spécificité dont, ou qui a été accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à sa communauté et qu'Allah azza wa jalla a fait de cette terre un lieu de prière. Toute personne donc qui a besoin de prier, qu'il prie là où il se trouve. Et la prière n'est pas obligatoire dans des lieux bien précis, spécifiques, comme cela était le cas dans les communautés avant nous, qui ne pouvaient prier que dans les églises, ou dans les temples, ou les endroits qui étaient réservés exclusivement à cet effet, et dans lequel la prière devait être également faite, accomplie dans ces endroits spécifiques. Et ceci est sans aucun doute un bienfait d'Allah Azza wa Jal et une immense faveur qu'il a accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à l'ensemble de sa communauté. Et également concernant la purification, les peuples avant nous n'avaient comme moyen de purification que l'eau. Quant à nous, quant au prophète sallam et à sa communauté, eh bien la terre a été considérée comme un moyen purificateur pour celui, comme on l'a vu, qui soit ne trouve pas d'eau ou soit ne peut utiliser celle-ci. ثالثها أن الغنائم التي تؤخذ من الكفار والمقاتلين حلال لهذا النبي الكريم وأمته يقتسمونها على ما بين الله تعالى بعد أن كانت محرمة على الأنبياء السابقين وأممهم حيث كانوا يجمعونها فإن قبلت نزلت عليها نار من السماء فأحرقتها. Troisième spécificité, c'est que les butins qui sont pris des non-musulmans et de l'ennemi sont, ou le butin est licite pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour sa communauté. Le butin de guerre, qu'il est autorisé de se partager selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défini dans surat Al-Anfal, qui est surat le butin. Alors qu'auparavant, le butin était interdit pour les prophètes, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que pour leur communauté. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsqu'ils réunissaient ou lorsqu'ils amassaient le butin, ils le réunissaient dans un endroit, puis un feu descendait du ciel et brûlait tout ce butin. Et cela est rapporté dans un hadith authentique de Bukhari au Muslim, le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les peuples avant vous, il ne leur a été pas autorisé de profiter du butin, mais ils ramassaient et réunissaient ce butin dans un endroit, puis Allah azza wa jalla envoyait un feu qui venait du ciel et brûlait tout ce butin. Et certains savants ont dit que la sagesse de cela était qu'Allah Azza wa Jal voulait par cela faire en sorte que les gens ne s'attachent pas au bien de cette vie d'ici-bas. Et que le fait de voir des biens de ce monde, de ce bas monde, en grande quantité, avec la valeur, avec une grande valeur, que cela qu'ils le voient brûler devant eux, avait pour effet qu'il s'attachait moins à ses biens de cette vie d'ici-bas. رابعها أن الله سبحانه وتعالى خصه بالمقام المحمود والشفاعة العظمى يوم يتأخر عنها أولو العزم من الرسل في عرصات القيامة فيقول أنا لها ويسجد تحت العرش ويمجد الله بما هو أهله فيقال اشفع تشفع وسل تعطى حينئذ يسأل الله الشفاعة للخلائق بالفصل بينهم في هذا المقام الطويل فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. La quatrième de ces spécificités est qu'Allah Azza wa Jal a accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam le al-maqam al-mahmoud, qui est la grande la grande intercession est la posture par laquelle, ou la position par laquelle il sera remercié, c'est-à-dire que l'ensemble des créatures remercieront le prophète sallam pour cette immense intercession qu'il fera, ceci le jour du jugement, lorsque chacun des prophètes s'excusera de ne pouvoir intercéder en faveur des gens afin que le jugement commence, et le seul qui demandera l'intercession à Allah azzawajal sera le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, qui, comme on l'a vu à plusieurs reprises, se dirigera vers Allah, se prosternera sous le trône, et il fera l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant un long, très long moment. Puis Allah Azza wa Jalla lui dira, lève ta tête, demande ton intercession et tu seras, elle sera acceptée, demande et tu, on te donnera ce que tu demandes. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandera à Allah Azza wa Jalla que le jugement puisse enfin commencer et que cette attente interminable cesse et prenne fin, après cette interminable attente. Ceci est al-maqam al-mahmoud, c'est la position unique qu'aura le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par laquelle sera, il sera remercié par l'ensemble des créatures. خامسها أن كل نبي من الأنبياء السابقين تختص دعوتهم بقومهم قد جعل الله تعالى في هذا النبي العظيم وفي رسالته السامية الصلاحية والشمول لأن تكون الدستور الخالد والقانون الباقي لجميع البشر على اختلاف أجناسهم وتباين أصنافهم وتباعد أقطارهم، فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان. ولما كانت بهذه الصلاحية والسمو كانت هي الأخيرة، لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا فيها نقص، وجعلت شاملة لما فيها من عناصر البقاء والخلود. Cinquièmement, que chaque prophète, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était envoyé à son peuple. Et le message qu'il devait transmettre devait être transmis à son peuple. Quant à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, son message est universel. Son message est universel et il est considéré comme un... Dostour al-Khalid, comment on pourrait traduire ça? Non, comme une constitution éternelle, Ahsant. Comme une constitution éternelle et comme une loi est également éternelle qui est applicable à l'ensemble de l'humanité. Et ceci en prenant en compte les différences de nationalité, ceci en prenant en compte les différences de culture, ceci en prenant en compte les différences géographiques, à savoir que malgré que toute cette humanité, certains sont extrêmement éloignés d'autres, certains sont totalement différents des autres, mais l'islam est la constitution qui convient à tout le monde et qui convient en tout temps, en tout lieu et à toute époque. Ainsi, c'est une religion qui n'a besoin ni d'ajout et qui ne contient aucune imperfection. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a fait de cette religion et de cette législation musulmane la dernière des législations, la dernière des religions, celle qui est la seule acceptée d'Allah Azza wa Jalla et celle qui abroge tout autre. Ainsi, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنَّ. Et celui qui prend pour autre religion, ou qui prend une autre religion que l'islam, il ne sera rien accepté de lui. Il ne sera jamais accepté de lui une autre religion que l'islam. مَا يُخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ هَذَا حَدِيثٌ عَظِيمٌ وَفِيهِ فَوَائِدَ جَمَّا ونقتصر على البارزة منها. أولا، تفضيل نبينا على سائر الأنبياء، تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وتفضيل أمته على سائر الأمم. Premièrement, donc dans ce hadith, il y a beaucoup de choses à retenir et nous allons nous contenter de citer les choses les plus importantes. Premièrement, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été favorisé par rapport aux autres prophètes et que cette communauté a été ou sa communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a des mérites par rapport aux autres communautés. Deuxièmement, ta'did thaniyan ta'did ni'amillahi 'ala al-'abd wa in dhakaraha 'ala wajhi ash-shukri lillahi wa dhikri ala'ihi yu'addu 'ibadatan wa shukran lillah. Deuxièmement, le fait de citer les bienfaits d'Allah sur toi, que ceci doit être cité dans l'intention de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui cite les bienfaits d'Allah sur lui en le but de remercier Allah azza wa jalla, alors cela est considéré comme une adoration. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, parle, ou sur les bienfaits de ton Seigneur, parle, c'est-à-dire dis et montre aux gens les bienfaits de ton Seigneur sur toi. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité toutes ces choses qui sont propres à lui sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a dit ça par orgueil? Est-ce qu'il a dit ça pour se vanter? Hasha wa kalla. Mais il a dit ça en guise de reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala et pour mettre en pratique cet ordre d'Allah azza wa jalla: wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. ثانيا كونه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب ووحلت له الغنائم وبعث إلى الناس عامة وأعطي الشفاعة وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا كل هذا من خصائصه وقد عدت خصائصه فكانت 17 خصلة وهي عند الصنعاني 21 وكانت وهي عند الصنعاني 21 ومن تتبع الجامعين الصغير والكبير وجد زيادة على هذا العدد. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam on lui a accordé la victoire par la peur, que le butin lui a été autorisé, qu'il a été envoyé à l'ensemble des gens, que l'intercession lui a été accordée, que la terre, pour lui et sa communauté, sont des lieux de prière et des moyens de purification, tout ceci fait partie des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui les compte verra qu'elles sont au nombre de 17, d'autres, et elles sont chez Al-Imam al-San'ani, 21, et celui qui suit tous les savants qui ont assemblé ou rassemblé les spécificités du professeur sallam, les petites comme les grandes, il verra qu'elles sont plus nombreuses que les chiffres cités. Et Al-Imam Suyuti a un livre, Khasa'is an-Nabi, dans lequel il a cité plus de 200 choses qui sont propres au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc le chiffre de 21 ou de 17 cité par Cheikh Al-Bassam a été largement dépassé par d'autres savants, rahimahumullah. Rabi'an, inna sihhat as-salati la takhtassu bi buq'atin duna ukhra. Quatrièmement, que la validité de la prière n'est pas propre à une partie de la terre sans l'autre. Autrement dit, que l'ensemble de la terre est un lieu de prière, sauf bien sûr les lieux qui sont interdits dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir les cimetières, les hammams et les enclos de chameaux. Et bien sûr, les endroits où il y a des impuretés. D'accord ? Donc c'est l'ensemble de la terre, mais il y a bien sûr des cas ou des exceptions. ثالثا إن كل أرض صالحة ليتيمم أو ليتيمم منها. Que toute la terre ou toute terre, il est autorisé de la prendre ou de l'utiliser pour at-tayammum. Et dans cela, il n'y a pas de il n'y a pas d'exception. C'est toute la terre, que ce soit la terre d'un cimetière ou que ce soit la terre d'un enclos de chameaux ou autre, même les endroits dans lesquels il n'était pas autorisé de prier, il était autorisé de l'utiliser comme moyen de purification. Sabi'an, si'atu hadhihi shari'ati wa 'azamatuha, lidha ju'ilat لتنظيم العالم كله في عباداته ومعاملاته على اختلاف أمصاره وتباعد أقطاره. Septièmement, l'on déduit de ce hadith la vasteté de cette religion et l'immensité de celle-ci. Ainsi, cette religion, l'islam, est une religion qui permet de gérer le monde, de gérer le monde et tous les êtres humains qui y sont contenus ou qui sont à sa surface, que ce soit dans les adorations ou que ce soit dans les mu'amalat ou dans les transactions, et ceci quelle que soit la nature de cet être humain et quel que soit l'endroit où il se trouve. L'islam est une religion universelle et elle s'applique en tout temps et tout lieu, et si l'ensemble de la terre était musulman et appliquait l'islam, eh bien il n'aurait aucun problème. Il n'aurait aucun problème, car Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a légiféré cette religion et il n'y a aucune imperfection dans celle-ci. Thaminan, qawluhu ayyuma rajulin لا يراد به جنس الرجل وحده وإنما يراد أمثاله من النساء أيضا لأن النساء شقائق الرجال. Huitièmement, lorsque le professeur Sam a dit tout homme de ma communauté qui doit prier, qu'il prie. Ici, le terme homme qu'a utilisé le professeur Sam, il ne veut pas dire l'homme, à savoir l'opposé de la femme, mais l'homme, l'être humain, car les femmes doivent prier et elles sont les consoeurs des hommes. Thasi'an, qala as-Sam'ani innama khassa masafat ash-shahr dun masafatin ab'ada minhu li'annahu lam yakun baynahu wa bayna man azhara al-'adawata lahu akthara min dhalik. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses spécificités, est qu'Allah Azza wa Jal lui a donné la victoire par la peur, même si ses ennemis étaient à une distance parcourue en un mois. Pourquoi le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit même s'ils sont à une distance parcourue en un mois? Si un ennemi du professeur sallallahu alayhi wa sallam est à une distance de deux mois, est-ce qu'il aura peur ou n'aura pas peur? Il aura peur. Non? Pourquoi? Pourquoi c'est pas la distance? Non, parce que les savants ont dit qu'au temps du professeur sallam, son ennemi le plus loin était à une distance de un mois. Pour cela que le professeur sallam a dit une distance d'un mois, car il était connu à son époque sallallahu alayhi wa sallam que son ennemi le plus lointain était à un mois, à une distance parcourue par un mois. Donc cela veut dire que ce n'est pas une distance précise. Autrement dit, si des ennemis étaient beaucoup plus loin, eh bien le professeur sallam aurait eu victoire sur eux que par la peur. Et certains savants ont dit que ceci est propre au professeur sallam, mais aussi propre à sa communauté. Certains ont même dit que cela est une des spécificités de la communauté musulmane. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.